se dit-il. Si je dors, je n'existerai pas, se dit-il. Les yeux secs comme l'air qu'il respire. Les yeux secs comme l'air qu'il respire. Dans le vent.